être au monde. D'aucuns parlent d'avoir quand il ferait mieux d'être, pour vivre pleinement les rêves à venir, les rires des enfants, les moments de plaisir, et malgré les chagrins par l'amitié, renaître. Que nous retrouvions la force de choisir le chemin de la paix plutôt que ces combats, où l'on flétrit son âme en tuant ici-bas ceux qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait que haïr. La force des armées a bâti des empires, mais désarmée, un seul a créé dans les cœurs un univers entier de joie et de ferveur. Il fallut qu'il en meure, et ce fut en martyr. Disparaître n'est rien quand on croit en l'ailleurs, même dans la douleur d'être si mal au monde, mais oublier la vie par cette quête immonde de toujours amasser est le pire des malheurs. À quoi sert la défense s'il n'y a pas danger? Au lieu de défiance, n'est-il pas mieux d'aimer? Mais tu rêves, naïf, à trop t'enthousiasmer pour que les hommes un jour cessent de saccager la terre et le ciel, eux-mêmes et les trésors, innombrables acquis de la divinité, qu'en pure confiance à cette humanité, elle donna un jour au sein une arche d'or. Et cet accord sacré, nous l'avons oublié, a toujours prospéré sur la belle nature, et ainsi dégradé de toutes nos souillures le luxuriant Éden qui nous était confié. Méritons-nous la fin que les drames annoncent? Quoi qu'en disent les fates qui nous expliquent tout, la paix nous est mirage en cet avenir doux que l'on croit advenir dans leurs fausses réponses.